Trop tard pour essayer de t'oublier, déjà je t'aime. Trop tard pour m'arrêter de penser, de rêver, de m'imaginer toujours entre tes bras. Je t'aime. Trop tard pour m'arrêter d'espérer de toi jour après jour un peu plus d'amour pour moi. Pour moi, c'est tout. Tu as bien tout fait pour ça, c'est tant pis pour moi. Tu ne pourras jamais empêcher mon cœur de penser à toi, à toi. Trop tard pour t'en aller, si tu partais, je te suivrais. Trop tard pour me quitter, car jamais, non jamais, je ne retrouverai d'autre amour pour moi que toi. Mon cœur se briserait. Tu ne pourras jamais empêcher mon cœur de penser à toi, à toi. Trop tard pour t'oublier, jamais, jamais je ne cesserai de t'aimer. Trop tard pour t'oublier, jamais, jamais je ne cesserai de t'aimer.